Radio Cayenne. Et nous sommes en live ce soir avec vous. Il est 20h36. Et après avoir parlé de ce qui s'est passé, enfin de ce qui s'est passé, ce qui se passe encore à Exarchia puis à Hong Kong, nous voilà rendus en Bolivie. Et oui, on fait un peu le tour du monde aujourd'hui, enfin ce soir. Et du coup, en Bolivie aussi, ça bouge. Bon, ça bouge dans de nombreux autres pays. On va pas forcément tous les faire ce soir, hein, je vous préviens quand même. Mais bon, voilà. Et ça bouge pas forcément pour le meilleur là-bas non plus. Du coup, peut-être vous avez suivi vite fait l'actualité. Il y a le président qui a démissionné, etc. Du coup, bon, juste comme ça, on a l'impression que ça peut peut-être être une bonne nouvelle, mais finalement, pas nécessairement. Et du coup, pour comprendre un peu ce qui se passe en Bolivie, je vais vous lire un article que j'ai trouvé sur nantes.indymedia.org, voilà, et qui s'appelle Bolivie, ne dites pas coup d'État. Et donc, je vais vous lire cet article un petit peu long, mais qui permet de mieux comprendre en fait ce qui se passe en Bolivie. Mais voilà, donc Bolivie. Evo Morales, élu avec plus de 10 points d'avance, a été forcé de démissionner par l'armée, puis exfiltré en catastrophe par le Mexique après que sa maison et celle de sa sœur aient été prises d'assaut. Le premier président indigène du pays dénonce un coup d'État, terme que les médias occidentaux refusent unanimement, pardon, alors qu'une chrétienne intégriste et raciste vient de s'autoproclamer présidente. Voilà, depuis la prise de fonction d'Evo Morales, la Bolivie a vu son taux de pauvreté chuter de 60 à 35%, son taux d'extrême pauvreté baisser de 35 à 15%, son salaire minimum être multiplié par 7 et son PIB pratiquement doublé, selon les chiffres même du FMI, le Fonds mondial international, monétaire international, pardon. Avec un tel bilan, on pourrait donc s'attendre à ce qu'il soit réélu haut la main. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui pose problème à certains. Sans fraude électorale constatée, Evo Morales a effectivement remporté les élections du 20 octobre par plus de 10 points d'écart et avec plus de 40% des voix, 47,6% exactement, réunissant ainsi les deux conditions nécessaires pour être élu dès le premier tour. Les choses ne se sont pourtant pas passées comme prévu. Conformément à ce qu'il avait promis de faire en cas de défaite, le principal opposant, Carlos Mesa, a refusé de reconnaître les résultats avant de crier à la fraude électorale et d'appeler à un soulèvement populaire. Ses soutiens se sont mobilisés dans la rue, en particulier dans la capitale, bastion de l'opposition savamment entretenue par les administrations américaines depuis 2010. Des élus du MAS, le parti de Morales, ont été kidnappés et torturés. Le président de la majorité au Parlement a été contraint de démissionner après l'enlèvement de son frère. La maison de sa sœur de Mor et la maison de la sœur de Morales a été incendiée, tout comme de nombreux bâtiments publics. Donc voilà, ça vous donne une idée des pressions que peuvent subir les gens, qui pourtant sont élus, sont a priori plus ou moins des politiciens. Mais bon, voilà, Evo Morales, c'est pas n'importe quel politicien, puisque déjà c'est un indigène, quoi. Et c'est le premier à être président du pays. Ça, visiblement. Ça plaît pas à tout le monde. Je continue. Evo Morales, qui devait rester en fonction jusqu'en janvier, quel que soit le résultat des élections, a accepté d'organiser un nouveau scrutin, insuffisant pour l'armée et la police qui l'ont forcé à démissionner, ainsi que son vice-président, avant de le traquer dans sa ville natale en vue de l'emprisonner sur ordre de l'opposant chrétien intégriste ouvertement raciste et multimillionnaire, Luis Camacho. Après la démission de Morales, l'armée a arrêté le président et vice-président de la commission en charge des élections, les faisant défiler en direct à la télévision sous la garde d'hommes armés et masqués. Une vingtaine de membres du gouvernement se sont réfugiés à l'ambassade du Mexique par peur pour leur vie. Si ces faits sont troublants, si ces faits troublants ne suffisaient pas à caractériser les événements, l'armée a imposé un couvre-feu avec ordre de réprimer les manifestants pro-Morales. La maison de Morales a été vandalisée par des milices d'extrême droite. L'armée a découpé le drapeau indigène figurant sur ses uniformes. Les militants d'extrême droite ont brûlé ces mêmes drapeaux. Une insulte particulièrement violente pour les 65% d'indigènes qui composent la population, alors qu'il s'agit d'un des deux drapeaux officiels de la nation, quand même. Luis Camacho, lié à l'industrie gazière et au réseau néofasciste, est entré dans le Parlement désert pour apposer une Bible sur le drapeau bolivien en proclamant « La Bolivie appartient au Christ », alors que la Bolivie était laïque depuis 2009. Pas depuis très longtemps, mais quand même. Des policiers ont menacé de mort les indigènes devant les caméras. La violence a explosé un peu partout dans le pays. L'armée et la police auraient tiré sur la foule venue protester contre le coup d'État, faisant potentiellement des dizaines de morts. Profitant du chaos, la sénatrice issue de l'extrême droite chrétienne, Jeanine Añez, vient de se déclarer présidente de la Bolivie en l'absence de la majorité parlementaire, pourtant acquise à Morales, nécessaire pour le faire. Et après que les quatre autres personnages d'État en ligne pour la succession aient été contraints de démissionner par peur pour leur vie. La sénatrice en question a pris possession des institutions en portant une Bible géante dans les bras et en célébrant le fait que la Bible retourne enfin au palais présidentiel. En 2013, elle déclarait sur Twitter « Je rêve d'une Bolivie libérée des rites sataniques indigènes. Les Indiens n'ont pas leur place dans la ville, qu'ils retournent sur les hauts plateaux ou au Chaco. » Elle est la tante d'un narcotrafiquant arrêté au Brésil en 2017 avec une demi-tonne de cocaïne. Voilà, pour ne rien arranger. Malgré cette avalanche de faits, les médias occidentaux ont été incapables de nommer les événements pour ce qu'ils sont. Un cas d'école de coup d'État. Aux États-Unis, les titres tournent parfois au comique, comme celui de Boomerang News, qui donne la définition d'un putsch sans employer le terme. Morales démissionne après que l'armée lui ait demandé de partir. Effectivement, ça s'appelle un putsch. Tandis que le New York Times se réjouit ouvertement de la tournure des événements après avoir titré « Morales se retire suite à une élection contestée ». En France, le Monde titre « Après 3 semaines de contestation, le président bolivien Evo Morales annonce sa démission, laissant penser à un printemps arabe en Amérique du Sud, tandis que Mediapart estime Morales victime de ses contradictions et de son succès. Peu importe, les 3 morts et 397 blessés relevés par Le Monde, la nature fasciste des putschistes pointés du doigt par Mediapart, les maisons de ministres incendiées et l'ambassade du Venezuela envahie par des milices fascistes armées de dynamite, selon Le Monde, ou les dizaines de milliers de manifestants réunis dans les rues pour dénoncer le coup d'État. Le fait qu'un gouvernement socialiste d'une république laïque disposant des plus grandes réserves mondiales de lithium, métal indispensable à la transition énergétique, ouais, je sais pas, enfin, surtout c'est un métal un peu pas mal utilisé, bah, notamment pour tout ce qui est batterie, etc. Enfin bref, c'est une ressource un peu précieuse par les temps qui courent, voilà. Et donc du coup, le fait que ce gouvernement socialiste d'une république laïque disposant des plus grandes réserves mondiales de lithium souhaitant nationaliser ses ressources naturelles se fasse renverser par un multimillionnaire fondamentaliste chrétien raciste et présenté comme le Bolsonaro bolivien ne semble émouvoir personne. Ce sont pourtant les mêmes forces fascistes qui ont mis Bolsonaro au pouvoir au Brésil, menaçant la survie de l'Amazonie. Ou Trump aux USA, élu grâce à la mobilisation des évangélistes les plus radicaux, et qui, depuis, soutient que le réchauffement climatique est un complot, subventionne le charbon et augmente les seuils de rejet de gaz à effet de serre autorisés pour les voitures et industries gazières. Bref, comment expliquer que nos médias refusent de voir ce qui se passe en Bolivie et refusent de le nommer ? Bon, après, c'est des médias, hein, voilà. Pour le comprendre, il faut revenir sur les allégations de fraude électorale. Comme le détaille l'hebdomadaire américain The Nation, le soir de l'élection, comme le veut l'usage, le gouvernement publie consécutivement 2 types de résultats. D'abord les estimations provisoires et non officielles qui évoluent au rythme des dépouillements, et puis ensuite les résultats officiels et définitifs. Et en début de soirée, les chiffres provisoires donnent Morales en tête, mais avec une marge insuffisante pour éviter un second tour. Cependant, les marges augmentent progressivement et au fur et à mesure que parviennent les résultats des campagnes, qui votent du coup, elles, majoritairement Morales, les mêmes phénomènes s'observent qu'en France, le soir des élections, où par exemple le résultat du FN tend à baisser lorsque les bureaux des plus grandes villes qui ferment un peu plus tard du coup sont dépouillés. Et aux USA, c'est pareil, où Trump avait d'abord été annoncé perdant en Floride avant que les résultats qui provenaient des campagnes le fassent passer devant Hillary Clinton. Du coup, bon, voilà, c'est la même chose qui se passe, un peu comme dans plein d'élections, hein. En Bolivie, donc, le gouvernement a suspendu le décompte provisoire lorsque 80% des bulletins de vote avaient été dépouillés, avant de basculer peu de temps après vers le décompte officiel. Entre-temps, Morales avait acquis un avantage décisif, laissant l'impression que les résultats avaient été truqués, alors que l'augmentation de cet écart était conforme à la tendance, comme l'explique le CEPR, qui est du coup un centre de recherche politique. Les résultats donc finaux sont également conformes au sondage. C'est pourtant sur la base de cet écart, purement technique et absolument prévisible, que l'opposition a crié à la fraude. Rappelons que son principal leader avait annoncé avant l'élection qu'il ne reconnaîtrait les résultats que s'il gagnait. Bah déjà, le gars, il le dit. Je sais pas, tu vois. C'est quand même ouf. Mais les dirigeants américains ont rapidement emboîté le pas, évoquant les fraudes dès le lendemain via Twitter, avant que l'OAS, une ONG d'observation des élections financée à 60% par les USA et basée à Washington, publie un communiqué alléguant des irrégularités sans en fournir la moindre preuve, et sur l'unique base de l'écart technique mentionné plus haut. Ces soupçons de fraude évoqués par l'OAS, que la plupart des journalistes traitent comme un organisme indépendant malgré son implication dans le coup d'État en Haïti, et l'aveu d'Hillary Clinton dans ses mémoires où elle affirme avoir instrumentalisé cette organisation en Honduras en 2009, sont venus alimenter le récit médiatique et les manifestations anti-Morales. L'autre argument utilisé par les médias occidentaux et l'opposition est le fait que Morales briguait un quatrième mandat, alors qu'il avait perdu le référendum de 2016, censé l'autoriser à le faire. Donc le gars, en fait, il s'est dit, bon, vas-y, j'ai envie de rester encore un peu au pouvoir, je vais faire un référendum pour pouvoir diriger un ou 2 ans de plus. Et puis, bon, il a perdu le référendum, et puis finalement, il a quand même fait un mandat supplémentaire. Donc oui, ça, c'est vrai, c'est pas hyper cool. Après, bon, je trouve cet article, il est très pro-Morales. Je pense que c'est un peu normal dans le sens où je pense que, enfin, voilà, vu ce qui a été dit dans l'introduction aussi, c'est pour une fois, il y a quelqu'un qui fait une vraie politique sociale quand même dans ce pays. Maintenant, ça reste un président, hein, voilà, et un politicien. Du coup, bon, je sais pas si on peut non plus en faire la totale éloge, quoi. Hein. Mais bref, je continue la lecture. Du coup, voilà, il avait fait un référendum et puis finalement, il l'avait perdu. Donc, on peut regretter une telle décision, certainement politiquement motivée et malvenue, mais en France, par exemple, le Conseil constitutionnel annule souvent des lois. Comme par exemple la fameuse taxe de 75% sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros sur laquelle Hollande avait été élu. Voilà, lui, il a été élu en promettant ça. Finalement, le Conseil constitutionnel, bim, il l'a annulé. Bon, bah là, ça a été la même chose. Le résultat du référendum a été annulé par la Cour suprême du pays. Voilà, l'UE a une longue tradition de non-respect des référendums, tandis qu'aux USA, la Cour suprême va souvent à l'encontre des votes du Congrès et des choix démocratiques des citoyens. Donc ça pour dire qu'en gros, la démocratie là-bas marche un peu comme celle de chez nous. Enfin, elle est pas pire, quoi. C'est les mêmes processus. Alors, est-ce que c'est bien, c'est mal? Voilà. Mais en tout cas, c'est pas pire. C'est pas pire qu'ailleurs. Et c'est surtout des pays qui font exactement la même chose qui viennent après critiquer et taper sur les doigts de la Bolivie, quoi. Et de Evo Morales. Du coup, en quoi la justice bolivienne serait-elle plus légitime que la nôtre? Point d'interrogation. Hein, mais bon, pourquoi au maximum ne pas se contenter d'une nouvelle élection, comme l'a proposé Morales, ou au minimum le laisser libre après sa démission? C'est quand même un petit peu la base. Il suffirait désormais qu'un gouvernement ne respecte pas un référendum pour justifier un coup d'État militaire? Quand même, c'est un peu gros. Certes, Evo Morales ne faisait pas l'unanimité dans son pays. Bon, ça, c'est un peu classique. Mais il restait soutenu par la majorité de la population, alors que son opposition vient aussi de la gauche et des indigènes, qui lui reproche d'avoir trop servi les intérêts des industries extractivistes, même je dirais, contre ceux des paysans indigènes. Donc voilà, Evo Morales n'était pas parfait. Hein. L'implication des USA semble se limiter à des tweets de soutien avant et après le putsch, tandis que la Maison-Blanche a publié un communiqué applaudissant la restauration de la démocratie, tout en menaçant, pardon, directement le Nicaragua et le Venezuela d'être les prochains sur la liste. Sympa. Depuis ce coup d'État, la Bolivie est au bord de la guerre civile, alors que l'extrême droite évangéliste s'empare du pouvoir et menace la vie des indigènes. Après avoir applaudi l'emprisonnement de Lula au Brésil, les médias occidentaux ont découvert avec horreur que Bolsonaro encourage les incendies en Amazonie, menaçant la survie de l'humanité. Bolsonaro vient de créer un nouveau parti fasciste qui valorise avant tout la Bible et sa personne. Les revendications du journal d'investigation The Intercept ont confirmé la nature du coup d'État judiciaire contre Lula, libéré de prison en conséquence. Mais pour l'Amazonie, il est peut-être trop tard. L'histoire se répète en Bolivie et nos principaux médias reproduisent les mêmes bêtises de manière caricaturale, aggravant la crise de confiance qui les touche alors que le peuple bolivien proteste contre le putsch et que le corps enseignant se mobilise déjà en masse contre le coup d'État. Voilà, bon, c'est un article donc à retrouver sur nantes.indymedia.org. Voilà, on en pense ce qu'on veut, c'est assez intéressant et je vais compléter par un autre article, mais peut-être tu avais quelque chose à dire avant. Oui, c'est intéressant le parallèle qui est fait avec le Venezuela, parce que justement c'est un petit peu la même situation où Chavez, puis enfin surtout Chavez avait entamé de grandes réformes sociales et la nationalisation de notamment de l'industrie pétrolière. Et oui, après ça reste du socialisme d'État, avec oui, tout se basé sur les cours du pétrole pour le Venezuela En l'occurrence, ça n'a pas trop aidé l'économie du pays et tout le monde en a un peu pâti. Et oui, ce sont les libéraux avec derrière les États-Unis, les grands groupes médiatiques qui sont dans les mains des capitalistes là-bas, qui profitent un petit peu de ces situations de défaillance, un petit peu de ce modèle étatiste, quoi. Donc ouais, c'est un peu intéressant de voir que c'est encore le même modèle. Ouais, et à Le la même fois, schéma, ouais. là, ça a l'air de quand même beaucoup mieux marcher, quoi. Oui. Parce que ce qu'ils avaient l'air de dire, c'est quand même le revenu minimum qui a été multiplié par 7, enfin, des trucs comme ça. Enfin, j'ai l'impression que ça avait l'air de un peu plus profiter à la population, que la Oui. population était plutôt quand même contente, et que là, c'est vraiment un espèce de putsch des fascistes, soutenu par les Occidentaux, mais surtout les USA, parce que les USA, ça fait déjà longtemps, en vrai, qu'ils organisent. De l'ingérence et des manigances en fait dans les politiques des pays d'Amérique du Sud pour pouvoir avoir accès aux ressources, pour pouvoir mettre en place des dictatures, etc., soutenir des dictatures, etc. Du coup, bah, c'est encore la même chose que ce qui s'est passé dans les années, je sais plus, 60, 70, enfin, pendant la guerre froide, etc. Oui, Et. même jusqu'aux années Ouais. 80-90, notamment au Nicaragua. Oui, voilà, avec Ce qu'on pourrait appeler d'une sorte de néocolonialisme aussi, enfin, c'est de la le. suprématie occidentale, quoi, en fait, c'est ça, en Oui. mode ingérence à fond et on vous contraint à nous servir économiquement, quoi. Bref, et donc, du coup, pour compléter sur la Bolivie, je vais, enfin, si t'as fini, je vais vous lire du coup un article bah, issu aussi de RFI, encore une fois. Donc Radio France Internationale qui écrit un article sur la Bolivie et qui titre Bolivie, une semaine après le départ d'Evo Morales, la colère continue de gronder. Donc là, c'est un petit peu pour réactualiser, on va dire. Donc là, je vous ai donné un peu les événements, le contexte, donc voilà. Mais qu'est-ce qui se passe du coup suite à la démission d'Evo Morales, un peu plus concrètement? Donc, si le gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez affirme que la contestation s'essouffle, il fait face dans la rue à de violentes manifestations pour réclamer le retour d'Evo Morales, des protestations sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. Parallèlement, le nouveau pouvoir veut pouvoir convoquer très vite des élections transparentes, selon ses dires. La Paz, El Alto et Cochabamba. Ce sont les trois zones où la contestation est la plus violente. Le gouvernement intérimaire fait face à de violentes manifestations depuis plusieurs jours pour réclamer le retour d'Evo Morales et la démission de la présidente Jeanine Áñez. Blocages, marches, manifestations qui se terminent en affrontement avec les forces de l'ordre. La colère continue donc de gronder en Bolivie depuis la démission d'Evo Morales il y a une semaine. La Paz, par exemple, fait face au blocage des routes qui permettent l'approvisionnement de la ville. Les habitants commencent à manquer de viande et d'œufs, notamment. Et la raffinerie de Sencata, qui alimente la capitale administrative en essence, est bloquée. Également, toutes les stations-service sont donc désormais vides. Dans la région de Cochabamba, à Sacaba exactement, la situation est très grave. Des manifestations de producteurs de coca, partisans d'Evo Morales, ont été réprimées dans le sang. 9 personnes auraient été tuées vendredi par les forces de l'ordre, selon un bilan fourni par la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Le gouvernement intérimaire parle, lui, de 5 morts, et le décret suprême signé par le gouvernement permettant l'exemption pénale pour les personnels des forces armées travaillant au maintien de l'ordre ne fait qu'aggraver la situation. Sur Twitter, de son exil mexicain, Evo Morales avance lui un autre bilan, dénonçant des crimes contre l'humanité. Il a exhorté à identifier les auteurs intellectuels et matériels des 24 morts en 5 jours par la répression policière et militaire. Et si ce week-end, des protestations se sont un peu calmées dans le pays, personne ne sait à quoi s'attendre dans les jours à venir. Dimanche, la présidente par intérim, Jeanine Annès, a annoncé son intention de convoquer très vite des élections transparentes. Donc voilà la situation, c'est que les gens, ils sont grave en fait en train de se battre contre ce coup d'État. Ils sont en train de bloquer des routes, des raffineries, et d'être en pleine émeute contre les forces de l'ordre. Et ils se font tirer dessus, en fait, à balles réelles par les milices. Et donc, bah, y a au moins 5 morts, mais a priori, il y en aurait plutôt 24 en 5 jours, quoi. Donc, c'est assez fort, en fait, ce qui est en train de se passer là-bas. Et je crois que j'ai vu passer, d'ailleurs, sur IndyMedia, un appel des... je sais pas comment dire, des militants, militantes boliviens, boliviennes, à un soutien international, en fait, face à ce qui est en train de se passer. Et du coup, il y a déjà des communiqués plutôt, je crois, issus de courants anarcho-syndicalistes, ouais, qu'ont relayé, en fait, ce qui se passait et qu'ont appelé à soutenir, en fait, nous aussi, à l'international, à montrer notre soutien et bah, surtout, ouais, c'est ça, à s'opposer, en fait, aux fascistes, quoi, qui viennent de prendre le pouvoir. Et puis en soutien à la population qui se mange toute la répression. Voilà pour la Bolivie, c'était un peu long, j'espère que vous avez appris plein de choses et que c'était quand même intéressant. Et du coup, on va remettre de la musique. Thank you. munchis, tukuy warmikuna mamakuna kanchis, kawsayta paqarichi munchis, hari warmikuni kuskachasqa puni ñapaqmanta kiririsunchis, chayra